إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ويقول تعالى ألا لله الدين الخالص الله سبحانه وتعالى Il ordonne à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire aux hommes « J'ai été commandé par Allah subhanahu wa ta'ala de lui vouer un culte exclusif, c'est-à-dire de purifier ma religion uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. « An a'budallaha mukhlisan lahuddin » d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ikhlas. Et al-ikhlas, c'est un mot arabe qui signifie d'avoir de la sincérité. Ça veut dire de purifier nos actions et nos paroles pour que tout ce qui sort de notre bouche et tous les gestes qui sont faits par notre corps soient uniquement faits pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lid-din, ala lillahi d-din al-khalis. N'est-ce pas à Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartient la religion qui doit être voué à lui, uniquement à lui, et purement pour lui, avec ikhlas. وَيَقُولُ تَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَى وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ الله سبحانه وتعالى il dit dans le Coran à propos des juifs, à propos des chrétiens, qu'il n'avait été ordonné uniquement que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte pur et de l'adorer lui seul et de façon exclusive, sans rien associer avec lui. D'adorer Allah seul en hunafa. Hunafa, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'écarte de l'idolâtrie. Il s'écarte de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'adore que Allah, le Créateur et le Maître de toutes choses, le Maître de l'univers. Et d'établir la salat et de donner la zakat. Et voilà la religion de la droiture. Mais ils ont dévié, et ils ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans leur adoration. Et ils ont adoré Jésus, et ils ont adoré Marie, et ils ont adoré des saints, et ils ont adoré des images, et ils ont adoré des croix, au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est celui qui a créé la mort, et la vie, liyabluwakum, pour vous mettre à l'épreuve, pour voir lequel d'entre vous sera le meilleur en œuvre, lequel d'entre vous sera meilleur en œuvre, ahsan wa amala. Et les ulama ont expliqué cette parole. Et ils ont dit, ahsan wa amala signifie akhlasuhu wa aswabuhu. C'est-à-dire, l'action et les paroles et les actions qu'on fait, elles doivent être faites avec ikhlas, avec pureté et sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, et elles doivent être aswab, c'est-à-dire elles doivent être faites selon la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, deux conditions pour que nos actions soient valables. La première condition, qu'elles soient faites selon les règles de l'islam, dans le sens qu'elles sont faites avec ikhlas et avec pureté et sincérité pour Allah seul, que tu n'adores que Allah et que tu ne voues tes adorations que pour Allah, tu pries pour Allah, tu fais ton doua uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas à quelqu'un d'autre ou à une chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu mets ta crainte en Allah seul, tu mets ton espoir en Allah seul, tu mets ton amour en Allah seul et tu t'écartes de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et, aswabuhu, la deuxième condition, c'est que lorsque tu fais une ibadah, lorsque tu fais une adoration, tu la fais selon les règles de l'islam, selon le Coran et selon la sunna, selon l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'inventes pas toi-même une façon nouvelle d'adorer Allah. Tu n'adores pas Allah subhanahu wa ta'ala selon des innovations, selon des bid'ah. Non. Tu suis l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pour connaître l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut étudier. Il faut étudier le Coran, il faut étudier la sunna authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si ton action n'a pas les deux conditions qu'on vient de mentionner, alors ton action ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. L'action qui est purement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'action qui est exemple de shirk. C'est-à-dire, dans cette action-là, lorsque tu l'as fait, il n'y a pas eu de shirk dedans, il n'y a pas eu d'association. Que ce soit du shirk majeur, dans le fait, par exemple, des gens qui adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala, comme les gens qui adorent les tombes, ou qui adorent les saints, ou qui adorent les awliya, ou qui adorent les choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien l'exemple des juifs et des chrétiens, et des hindous et des autres religions qui adorent des idoles et des statues, ou des choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme des gens qui adorent les prophètes, ou qui adorent des anges, ou qui adorent des djinns, tout ça c'est du shirk majeur. Et ça détruit le tawhid, ça détruit la foi de quelqu'un, ça le fait sortir de l'islam. Et donc il faut faire attention, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans cette ayah, il lui dit, nous t'avons révélé à toi, ô Muhammad, et nous avons révélé également aux autres prophètes qui sont venus avant toi, que si vous faites du shirk, c'est-à-dire lorsque vous adorez Allah subhanahu wa ta'ala, vous associez d'autres avec lui dans l'adoration, si vous commettez le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala va annuler vos actions. Et tu seras parmi les perdants. Donc même les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala, il protège les prophètes pour ne pas qu'ils tombent dans le shirk. Et malgré cette protection qu'ils ont, Allah subhanahu wa ta'ala, il les avertit quand même que si vous commettez du shirk, vos actions seront vaines, seront nulles, et vous serez parmi les perdants. Et donc si ça s'applique au prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala et au messager, alors ça s'applique à chacun d'entre nous encore plus, parce que nous sommes en dessous du degré et en dessous du niveau des prophètes. Et nous devons tous être des gens qui suivent, nous devons tous suivre l'exemple des prophètes, alayhi salatu wa salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne les prophètes dans une ayah dans le Coran. Et à la suite, après avoir mentionné le nom de ces prophètes, il dit, et si ils avaient commis du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala aurait rendu leurs œuvres vaines. Hein? La habita anhum ma kanu ya'malun. Allah aurait annulé tout ce qu'ils avaient commis ou tout ce qu'ils avaient pratiqué comme œuvre. Donc vous avez par exemple des gens qui font toutes sortes de bonnes actions dans la dunya, des œuvres humanitaires, ou des organisations d'œuvres charitables, ou des organisations d'œuvres de bienfaisance, qui sont contrôlées ou dirigées parfois par des juifs ou par des chrétiens. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va les récompenser pour ces actions-là qu'ils font? Bien entendu, ils font des bonnes choses parfois. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va accepter ces actions de leur part? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a déjà expliqué. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Celui, lorsqu'il fait des bonnes actions, il ne les fait pas pour Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Celui que lorsqu'il fait des bonnes actions, il adore d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui que lorsqu'il fait des bonnes actions, il prie à Jésus, ou il prie à une croix, ou il prie à Marie, ou il prie à une idole, ou il prie à une tombe, ou il prie à un saint, son action est vaine, son action est nulle, parce qu'il a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de témoigner et de dire « Ashhadu an la ilaha illallah ». Je témoigne que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah. Tout ce que les hommes adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est batil, est faux. Et donc celui qui adore d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, il a détruit son shahada, il a détruit son témoignage de la ilaha illallah. Il doit renouveler sa foi et se repentir de ce genre d'action ou de ce genre d'attitude ou de ce genre de parole et revenir encore une fois à l'unicité d'Allah et au tawhid et au témoignage de la ilaha illallah et purifier sa foi de toute forme de shirk pour que son action et ses paroles soient faites avec ikhlas, avec sincérité et avec pureté pour Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donc expliqué que nos actions doivent être exemptes de toutes sortes ou de toutes catégories de shirk majeur. Non seulement ça, nos actions doivent être aussi exemptes, c'est-à-dire elles ne doivent pas contenir aucune forme de shirk mineur également. Parce que parfois il y a des gens qui font des œuvres, mais ils font des œuvres pour se faire voir, ou pour se faire remarquer, pour que les gens les glorifient, ou pour que des gens disent « Regardez cet homme, il a donné telle somme d'argent pour la mosquée, ou il a donné telle somme d'argent pour construire un puits, ou pour construire un hôpital ou une école. » Pas pour Allah. Il n'a pas fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait ça pour que les gens disent « Masha Allah, il est généreux. Masha Allah, c'est un homme, il est bon. » Il n'a pas fait ça pour Allah seul. Celui qui fait ça, qui fait des œuvres, ou qui fait des actions, ou qui prie, ou qui jeûne, ou qui fait des actes de ibadat, ou qui lit le Coran avec une belle voix, il fait ça pour que les gens l'entendent, ou pour que les gens le voient, pour que les gens commencent à le glorifier, pour que les gens commencent à dire du bien de lui, et non pour Allah seul, alors son action n'aura aucune valeur au jour de la résurrection. Lorsqu'on va présenter toutes ces actions devant Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection et qu'on va les mettre sur la balance, Allah subhanahu wa ta'ala va prendre toutes ces œuvres et il va les faire devenir de la poussière. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans surat al-Furqan, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Toutes les actions qu'ils ont faites dans la dunya, on va les prendre et on va les faire comme de la poussière éparpillée par le vent. Et donc c'est une chose qui doit nous faire avoir de la crainte à Allah subhanahu wa ta'ala de faire une forme de shirk ou de faire des associations ou d'avoir du riya dans nos actions pour que nos œuvres soient annulées et pour qu'on tombe dans des œuvres qui après par la suite n'ont aucune récompense. Donc il faut faire attention, il faut purifier nos cœurs, purifier nos intentions pour Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى إذن في الآية celui qui désire la dunya, cette vie d'ici-bas, et ses parures, nous allons lui donner des choses de cette beauté, de cette parure qu'ils désirent dans cette dunya, et ils ne seront point lésés. Par contre, ceux-là seront ceux qui auront rien d'autre dans l'au-delà que l'enfer, le feu de l'enfer. Et tout ce qu'ils auront accompli dans cette vie d'ici-bas sera annulé et vain, et tout ce qu'ils auront accompli n'aura aucune valeur et aucune récompense. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des actes d'adoration, pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour avoir des biens et des profits dans la dunya. Hein? Quelqu'un qui fait la responsabilité d'imam, mais juste parce qu'il veut avoir un salaire, ou qu'il veut avoir le respect, ou qu'il veut avoir la priorité dans la société. Il ne fait pas ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne dit pas la vérité aux gens. Il cache la vérité aux musulmans. Et il dit le mensonge. Il dit le contraire de ce qui est dans le Coran, et il dit le contraire de ce qui est dans la Sunna, parce qu'il veut préserver sa position. Et ça, c'est celui qui aura rien d'autre dans l'au-delà que le feu de l'enfer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Innama al-a'malu bin-niyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actions ne seront valables que selon leurs intentions, et nul n'aura autre que ce qu'il a eu comme intention dans son œuvre et dans son acte. Donc celui qui a fait une action ou une hijra pour Allah et son messager, alors sa récompense sera pour, selon la hijra qu'il a fait pour Allah et son messager. Mais celui qui a fait une hijra pour la dunya, pas pour Allah, pas pour l'islam, pas pour sauver sa religion, il a fait la hijra pour l'argent, pour avoir la dunya dans cette vie, comme beaucoup de musulmans de nos jours. Il quitte les pays musulmans pour aller vivre dans les pays non musulmans. Il quitte les pays où il y a les mosquées et où il y a le azan parce que la vie est difficile, et ils vont vivre dans les pays où il n'y a pas de mosquée, où il n'y a pas de azan parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a de la dunya, mais il n'y a pas d'islam. Alors celui-là, il fait la hijra, mais il ne fait pas la hijra pour Allah et pour son messager. Il fait la hijra pour la dunya, ou bien pour une femme qu'il veut épouser, mais il ne fait pas la hijra pour Allah. Alors chacun aura selon son intention. Chacun sera récompensé au jour de la résurrection selon son intention. Et donc, nous devons avoir l'ikhlas, sincérité dans nos intentions. Et il n'y a pas de meilleur exemple pour nous, pour parler de sincérité, que de mentionner l'exemple des sahaba, radiyallahu anhum. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa da'wa à Mecca, il a commencé à prêcher l'islam et à dire aux gens « La ilaha illallah ». Arrêtez d'adorer les idoles, arrêtez d'adorer les formes de choses que vous adorez en dehors d'Allah et adorez Allah seul. Et au début, personne ne voulait croire en lui. Et il y a quelques gens qui ont cru en lui, parmi les exemples de Bilal, radiyallahu anhu, Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu. Et ils ont eu de la difficulté, ils ont été torturés pour l'islam. Est-ce qu'ils attendaient quelque chose dans la dunya? Est-ce qu'ils ont accepté quelque chose pour de l'argent quand ils sont devenus musulmans? Est-ce qu'ils sont devenus musulmans pour avoir un profit? Est-ce qu'ils attendaient de l'argent en retour? Est-ce qu'ils attendaient une récompense dans cette vie d'ici-bas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur avait rien promis d'autre chose que le paradis. C'était la seule chose qu'il leur a promis. Dites « La ilaha illallah ». Dites « La ilaha illallah » et vous aurez le succès. Et il ne leur a pas promis autre chose que le paradis. Et quand il a pris la bay'a des gens de Al-Ansar qui sont venus pour dire « On accepte la da'wa et on accepte l'islam », il a pris une bay'a de leur part. Il leur a fait la bay'a uniquement sur le fait qu'ils disent « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah » et qu'ils défendent l'islam. Et qu'est-ce qu'ils allaient avoir en échange? Le paradis. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va avoir en échange au messager d'Allah? Il a dit, vous allez avoir le paradis. al-Jannah, c'est tout. Rien d'autre. Mais après, ils ont eu, non seulement ils ont eu la promesse du paradis, mais en plus de ça, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ouvert la dunya. Et leur a donné tout ce qu'ils désiraient. Et l'islam s'est répandu de l'Espagne jusqu'à la Chine. Parce qu'ils étaient sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas espéré autre chose que la récompense qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم أدي dans un hadith authentique rapporté par البخاري المسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. البروفيت صلى الله عليه وسلم أدي celui qui invente quelque chose dans notre religion qui n'en fait pas partie, cette chose-là sera rejetée. C'est-à-dire celui qui veut, et ça c'est la deuxième condition, des conditions pour que nos œuvres soient acceptées. On a dit que la première c'est Al-Ikhlas, et la deuxième c'est qu'elles soient en accord avec l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cet exemple-là, c'est l'exemple du fait que lorsque tu adores Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu dois suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tu ne dois pas inventer dans la religion quelque chose qui n'en fait pas partie. Si tu fais un acte, et que cet acte-là il n'a aucune référence dans la charia, et aucune référence dans le Coran et dans la Sunna, cet acte ou cette action ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu le fais jour et nuit, pendant des années, tout ça, ça n'aura aucune valeur au jour de la résurrection. Et donc, il faut s'accrocher à la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans les hadiths authentiques qui sont rapportés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il faut s'écarter de tout ce qui a été inventé et rajouté dans l'islam. Parce que entre nous et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus que 1400 ans qui nous séparent. Et entre-temps, et dans les différentes contrées de l'islam, des gens ont mélangé l'islam avec des choses qui sont culturelles, ou des choses qui sont des traditions, mais qui ne font pas partie de l'islam. Et donc c'est pour ça qu'il faut retourner à la source, retourner au texte, pour purifier nos pratiques, pour purifier nos actions, pour qu'elles soient en accord avec le Coran et en accord avec la Sunna. Et donc, pour arriver à ça, il faut se concentrer sur, bien entendu, et ça c'est fondamental, se concentrer sur l'éducation. C'est-à-dire enseigner et apprendre le Coran et la Sunna aux jeunes et aux moins jeunes et leur faire comprendre la réalité et la beauté et la grandeur de cet islam qui est pur et qui a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui nous a été transmis par les sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, pour terminer, je vous donne comme conseil de faire des efforts dans la recherche de la science islamique, de faire des efforts dans l'apprentissage des choses qui sont obligatoires et nécessaires à chaque musulman de connaître. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide et le support, et Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner le bien dans cette dunya et dans l'akhirah. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقوموا إلى صلاتكم. بارك الله فيكم. Thank you.